ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Émission spéciale 1 an et clôture de saison. En grande pompe, s'il vous plaît. Ça y est, je suis tout excité. J'ai passé l'après-midi sur un taboulé en souriant. Mon cousin Cisco a préparé le guacamole. Mon petit frère Jordan a accroché les lampions pour accueillir les invités à la maison. Et mon papa, professeur Pivot, en a profité pour préparer l'apéro. Depuis 1 an, on attend ce moment. Bon, un peu comme si le lendemain de veille de ton anniversaire, la bouche pâteuse, l'esprit en vrac, les cheveux qui poussent en dedans, comme si tu n'attendais qu'une chose, remettre ça. Remettre ça, tiens. Comme on le dit chez nous, les Français innovateurs, comment on le dit ? Reprendre du poil de la bête. Les Canadiens, eux, disent « snatch the hair of the dog that bit me ». Arrache les poils du chien qui t'a mordu. Curieux. Mais instructif, non ? Ça y est, je suis tout excité, les premiers invités viennent d'arriver. Qui dit fête dit ambiancer, vous aurez remarqué l'accent à peine forcé. Et pour ambiancer, exit les DJ clés USB. Dehors la playlist YouTube mal blindée de pubs. Au bûcher, les CD rayés sur platine usée. Pour ambiancer, que diriez-vous d'un bon gros bal à l'ancienne ? Eh bah oui, rien de vaut la faire en matière de fiesta populaire à domicile. Ça y est, je suis tout excité. Le bal local vient nous rejoindre à nos côtés. Pose les amplis aux têtes brûlées pour concocter le mix parfait. Une émission fête son anniversaire et une autre naît. Bienvenue à notre anniversaire. CMJ fait des petits et partage le flambeau salvateur de l'addiction radiophonique. Tout cela, on vous invite à vous rapprocher de nous ou de votre enceinte si vous êtes en voiture. La fête ne fait que commencer. Écoutez-nous ou rejoignez-nous au Quai des Savoirs, à la cantine ce soir et jusqu'à l'aube. Et puis revenez nous voir demain, après-demain, tous les jours si vous voulez. Ça marchera jamais et le bal local se feront un plaisir d'arracher les poils du chien avec vous. Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, chers invités. Nous sommes en coproduction. Pour cet anniversaire, on invite les copains avec un futur podcast, le bal local. Bonjour Célia. Bonjour Mathias. Comment ça va Célia? On vous entend pas, vous êtes loin, rapprochez-vous. Je suis là. Ah, ça me rassure. Nous sommes également avec professeur Pivot, vulgarisateur des termes anglicismes barbares. Ça va? Bonjour Matito, ça va très très bien. Bah, écoutez, est-ce que le public, est-ce que ça va? Ouais, on est en public aujourd'hui. En direct et en public. Et on accueille nos chers invités de marque, Gilles Moncobey, fondateur de Overblog et de Tiz.tv. Comment ça va, Gilles? Très bien, merci de m'inviter ce soir. Mais c'est un plaisir. Et nous accueillons Laetitia Boulock, fondatrice de Neograph Factory. Ça va, Laetitia? Ça va très très bien, merci de m'avoir invité aussi. Bon, vous êtes bien, vous êtes chauds les invités? Très chaud. Vous êtes chaud le public? Oui. Alors on envoie un petit tour des internets. Un joyeux non-anniversaire à moi. À qui ? À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi ? Mais oui. À moi. Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher. Joyeux anniversaire, professeur. Joyeux anniversaire, Matito. On accueille au micro quelqu'un qui pèse dans le game, comme on dit. Ah, mais grave. Gilles Moncobey, fondateur d'Overblog et actuel PDG, on va dire, de Tiz.tv, c'est ça ? Non, directeur produit. Directeur pas, produit. Non, pas PDG. Alors, expliquez-nous, on va prendre les choses dans l'ordre. Overblog, Kezako. Ouais, bon, alors, c'est une longue histoire. Hein. Ça commence en 2003, quand j'ai rencontré deux webmasters à l'époque qui avaient envie de monter leur aventure, leur start-up, comme moi. Et on s'est dit que être webmaster c'est bien, mais monter une plateforme de blog c'est mieux, donner la possibilité à tout le monde de publier ses idées sur internet et de façon très simple pour que même ma maman puisse le faire à la maison. C'est important ça, que maman puisse utiliser quand même. Voilà, donc c'était la mission, on l'a fait. Alors au début on n'avait pas trop de business model hein, parce que c'était une plateforme de blog gratuite. Sans publicité, donc ça pouvait pas marcher, hein, ça marchera jamais. Ça marchera jamais, c'est ce qu'on vous disait. Ouais, déjà à l'époque. Mais non, ça a marché en fait, parce qu'on a tout de suite trouvé de l'audience, beaucoup d'audience, et on a pu proposer un modèle de rémunération par droit d'auteur. Donc on proposait aux blogueurs la possibilité de mettre de la publicité et de partager les revenus avec eux. Voilà. Alors, le système de droit d'auteur qui est quand même commun à, on va dire, la culture française, est-ce que ça aurait pu être internationalisé? Enfin, Overblog, de toute façon, c'est pas cantonné aux frontières de la France. Non, on l'a déployé en Europe, et ça marchait. On payait à partir de France des auteurs européens en droit d'auteur. Voilà. Donc ça, c'était un business model innovant. Et puis après, bah alors après, on s'est dit quand même, il faut ramener plus d'argent des annonceurs. Donc plus de monnaie. Donc il fallait qu'on s'adresse à quelqu'un qui pesait. Hein, et donc on en a parlé au leader de la publicité à l'époque, hein, à l'époque en 2006, qui était TF1. TF1, leader de la publicité. À l'époque, c'était le plus gros, le plus gros pourvoyeur d'annonceurs. Donc on les a laissé rentrer dans notre capitale. Alors, c'était un peu comme laisser rentrer le loup dans la bergerie. Ah, on le savait. Et puis, 4 ans après, on toussait un peu. On a toujours été profitable, mais on trouvait que ça patinait. Il fallait qu'on avance plus vite, qu'on fasse autre chose. Est-ce que le mastodonte TF1 vous a freiné, du coup ? Bah, un petit peu, ouais. Ouais. Un petit peu, mais après, ils nous ont ouvert quand même les horizons. Ils nous ont fait réfléchir. On s'est solidifié. Ils ont quand même investi de l'argent. Hein, donc, pendant 4 ans, on a pu embaucher. On est monté à 30 personnes. Mais on cherchait une relance. Et ils se sont rencontrés en rencontrant un autre entrepreneur bien connu qui s'appelle Pierre Chapaz, qu'on a pu trouver cette relance. Et en 2010, on a fusionné, on a fait un build-up de plusieurs startups. Build-up, oh, le gros mot, professeur. Moi, c'est une façon, ça me permet de rebondir sur une question que j'avais. Est-ce que justement, c'est pas ça la clé de la réussite des startups, de fusionner, de s'associer à d'autres pour réussir collectivement, en fait C'est une façon de réussir. Je connais aussi des entrepreneurs qui ont réussi seuls. Mais ce que je pourrais dire en tout cas comme règle importante, c'est que l'équipe est plus importante que le projet. Et en fait, Overblog, c'était un des premiers projets, mais ce qui fait la valeur d'Overblog, c'était l'équipe. Mes associés du départ, Frédéric Montagnon et Julien Romanetto, voilà, qui étaient en plus d'être des amis, des personnes très complémentaires et qui ont pu donc faire de ce projet un succès. Et puis après, on en a fait un autre. Donc cette fusion en 2010 nous a permis de nous relancer sur un groupe qui est ensuite devenu le groupe eBuzzing, puis ensuite le groupe Tids. Donc voilà l'histoire. C'est toujours la même histoire 15 ans après. Tout à fait. Et puis on peut le dire à tous les auditeurs, le groupe Tids qui a été racheté depuis par Altice. Qui a été racheté il y a 285 ans. Millions d'euros, qui est quasiment une des plus belles sorties des startups depuis des années. Oui. Donc félicitations à toute l'équipe, il y avait des produits derrière. 285 millions d'euros, mais vous êtes riche, Gilles. Oui. Ah, super. Je suis riche, je n'ai pas honte de le dire. Ah ben, excellent. Félicitations, il en faut. Mais vous restez quand même, malgré le rachat, dans cette boîte. Est-ce que c'était aussi un loup dans la bergerie, ce rachat ou... Alors, pas du tout, parce que Patrick Drahi, à la différence de TF1 et de sa direction, est un vrai entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux. Et donc, s'associer avec lui, c'était aussi vraiment... imaginer l'impossible et voilà, ça a décuplé notre ambition. L'expertise aussi ? L'expertise, oui, un peu. Mais on reste quand même très indépendant au niveau opérationnel dans le groupe Altice, et ce qui nous réussit. Là, on annonce des super chiffres pour l'année 2018 et une croissance de 30%. Voilà, on fait 400 millions de dollars de revenus. On est 850 dans 25 bureaux différents dans le monde, et c'est une belle success story. Et vous parlez directement en dollars, quoi. C'est le rêve américain. Justement, est-ce qu'il y a une implantation prévue à San Francisco, à Cisco ? Ah, on y est déjà. Vous y êtes déjà ? Oui, oui. Et vous avez dû croiser Cypress Hill, Method Man et Redman. Il manque Snoop Dogg. Doctor in the house, we like fuck that, nut sacks in your mouth. Let me show you what I thought about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can bark like a bitch when I dug it out. There it is, a better kid ahead of his. Time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Right a gym or hyping them, alright then. All day got drinking smoke. Shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, 5 cent, 10 cent, dollar. Rock while I blend the track again, holla. At your boy, now pass your boy, something to smoke. Call superhead, nothing to throw, swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother? ain't far back. Been the whole run on this track. I don't really give a fuck. Put the pen down, let's talk some more. Soul assassin, let it dog. Whole damn world know about us. Rhymes to kick and we reap off. Get you vatos all fucked up and sing along to my get hot song. As you choking on four foot bone. Cyber seal and we can't go wrong. Keep it smoking like G-G-G-G-G. Call me that doctor. P-Funk, our chronic blow up. Pussy smoker. Ça marchera jamais. Émission 20, clôture de saison en live and direct à la cantine du Quai des Savoirs. Nous sommes toujours avec Laetitia Bouloc et Gilles Moncobeil, fondateur d'Overblog et de Tits.tv. Alors Gilles, vous nous disiez tout à l'heure, en fait, Tits, c'est un glissement d'Overblog. C'est pas deux sociétés différentes. En fait, en tout, on a fusionné. Professeur. Fusion, acquisition. Pardon, plus de 8 sociétés ensemble. Donc, 8 sociétés ouais. En 2010, en fait, on a apporté Overblog et Nomao avec mes associés fondateurs au sein d'un groupe qu'on a appelé Wikio. Donc il y avait Wikio, mais il y avait aussi eBuzzing à l'époque. Et Promo Digital qui était eBuzzing italien. Donc on était déjà dans un build-up. Et ensuite, on a racheté plusieurs autres sociétés, dont la dernière en 2014, qui s'appelait Tids. Et comme le positionnement stratégique et le nom nous plaisaient beaucoup, Tids veut dire Technology for Ads, for Advertising. Publicité, donc, ouais. C'était le rebranding qui nous fallait et qui nous a permis aussi de nous positionner stratégiquement sur une plateforme publicitaire de qualité. Alors, du coup, vous parliez de l'importance de l'équipe. Les équipes de Tids, comment ça s'est passé après l'absorption, le merging, ouais, comment on trouve sa place? Ouais, alors bon, Pierre Chappaz n'était pas à son premier coup. Il a vendu quel coup à Yahoo dans les années 2002-2003, je ne me souviens plus trop. C'est donc quelqu'un qui sait mettre ensemble des talents. Et les garder, motiver auprès de lui, on l'appelle le coach. Donc voilà, c'est sa mission, son rôle. En fait, ça s'est fait plutôt naturellement. Alors après, bon, évidemment, les projets changent, les équipes s'étoffent, il y a beaucoup d'ego à gérer. Le management, ouais. C'est donc il faut savoir trouver sa place. Et puis des fois, bon, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi un peu le moment, le contexte. Moi j'ai eu la chance de pouvoir rester dans un rôle qui me convenait. Alors j'ai changé de rôle plusieurs fois. J'étais directeur technique, je suis devenu directeur produit, mais j'aurais pas pu prendre la direction générale, ni la direction commerciale, ni la direction marketing. Et ça me plaît beaucoup. Et justement, géographiquement, vous êtes où? Parce que Tid, c'était Montpellier-Rhin, Overblog, c'était Toulousain. Oui. Vous êtes à Narbonne, quand même? Alors, je suis toujours à Toulouse et je prends l'intercité qui met 2h09 pour aller à Montpellier presque toutes les semaines. D'accord. Pour y passer 48 heures et voir une partie de mes équipes parce que j'ai aussi des équipes à Paris, à New York et à Bucarest. Là, je parle de l'équipe produit. Voilà. D'accord. Et en 2003, on revient un petit peu en arrière, là. Back to the future. Vous avez eu le flair, je dirais, pour recruter des webmasters. C'était quand même le monde se divisait en deux catégories, ceux qui avaient un site et ceux qui n'en avaient rien à foutre. Là, vous avez pris le choix d'embaucher, de recruter des webmasters. Là, en 2019, ce serait quoi le... Avec votre flair, Gilles, ce serait quoi la technologie sur laquelle aller? C'est difficile comme question, je sais. Il y en a plein, en fait, de technologies intéressantes. Je pense qu'avant de penser à la technologie, il faut penser au problème qu'on cherche à résoudre. Ouais. Parce que la technologie, c'est juste un moyen. Donc le problème, il y en a plein. Hein. Il suffit de regarder autour de soi. Il y a plein de problèmes. Arrêtez de manger pour Professeur Pivot. Alors, on a pu décrire aussi un peu l'ambiance. Hein. Il y a plein de monde tout autour de nous qui mange et qui boit. Ouais. Oh, c'est pas un problème. Hein. Tout le monde a l'air content. C'est un problème insolvable, ça, monsieur l'apéro. On peut résolver l'apéro, Gilles. Je pense qu'il y a... Une bière pour Gilles. Il y a des gros challenges à résoudre. Et puis, il y a beaucoup de talent pour ça. Donc, il y a plein de défis. À retenir, c'est pas forcément utiliser une techno qui est prioritaire. Hein, tous les mots bullshit qu'on peut Alors, entendre. J'ai quand même vu des mots bullshit sur le site. Vous parlez d'IA. Est-ce que c'est... parce que, en fait, depuis le début, on tourne un peu autour du sujet. Mais Tids est vachement basé sur la vidéo. Hein, c'était même un des leaders de la pub dans les vidéos. Et souvent, les pubs que tout le monde voit sur les sites internet. Pas de la pub dans la vidéo, justement. Et de la pub en dehors vidéo, de la vidéo. Mais de la pub vidéo entre articles. Exactement. Hein. Nous sommes les inventeurs de l'inno. Donc la publicité vidéo entre les articles. Ouais, justement pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, quand on est sur un site par exemple d'information, un journal ou quelque chose comme ça, il y a des vidéos qui sont intercalées, qui sont souvent des pubs ou des vidéos complémentaires. C'est ça. Et vous êtes l'opérateur, elles sont pas hébergées sur YouTube, elles sont hébergées chez Tids. C'est ça. En fait, on est la plateforme qui permet de réunir tous les éditeurs de qualité, alors les Echo, mais aussi Washington Post ou The Guardian, dans le monde entier. et on les rend accessibles aux annonceurs à travers une plateforme technologique d'advertising où vraiment cette approche intégrée permet une vraie qualité. Parce qu'il faut savoir que l'advertising, c'est un écosystème hyper, hyper opaque, complexe, avec beaucoup d'intermédiaires. Et nous, on a une approche qualitative intégrée pour que les annonceurs puissent directement trouver ce qu'ils cherchent chez les éditeurs premium. Et on amène auprès des éditeurs de qualité une rémunération qui est très importante pour eux aujourd'hui. Ouais. Parce que le modèle de souscription sur les éditeurs en ligne... Et l'IA, du coup, vient amener des services tiers. Alors non, l'intelligence artificielle chez nous, c'est pas seulement un buzzword, hein, c'est pas du bullshit. L'intelligence artificielle chez nous, c'est du machine learning. Ça permet en fait à un annonceur, comme Renault par exemple, de n'être facturé que si la vidéo, sa vidéo publicitaire, est vue jusqu'au bout. Ah, intéressant. Voilà, et donc dans ces cas-là, à ce moment-là, on est rémunéré nous aussi, sauf qu'on achète l'impression avant qu'elle soit vue chez l'éditeur. Donc il faut qu'on prédise que non seulement l'internaute défile et non pas scroll jusqu'à la publicité et la regarde jusqu'au bout. Donc voilà à quoi sert l'intelligence artificielle. Gilles, chez nous. Tid.tv, c'est là où on vous retrouve en tant que client, en tant que particulier. On vient de récupérer le .com, donc Tid.com. Tid.com, ça fait plaisir. Gilles, une question, rien à voir, quoique, pour penser à Anna, est-ce que vous dansez bien? Oui, ça dépend de la musique. Ah, écoute, on va voir ça avec le bal local, une émission continue et une autre naît. Donc Célia, on va lancer officiellement le bal local. Que veux-tu dire? Jingle. Psst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Sacré jingle, Célia, bonne naissance, on peut applaudir le bal local s'il vous plaît. Merci, ça marchera jamais de nous avoir proposé d'entrer dans la ronde avec vous pour cette émission anniversaire. C'est tout particulier pour nous puisque c'est notre tout premier épisode pour le podcast Bal Local, le podcast de discussion entre freelance sur l'entrepreneuriat et les transformations du monde du travail. Pour entrer dans la danse, nous accueillons aujourd'hui la talentueuse Laetitia Boulock, designer très très graphique sous la marque Neograph Factory et qui vulgarise son métier dans une chaîne YouTube du même nom. Bonjour Laetitia, merci d'être venue partager ces quelques pas de danse. Avec plaisir. Mettons-nous dans le rythme. Qui es-tu, que fais-tu ? Du coup, je suis Laetitia, je suis designer graphique et je suis en freelance, comme vous l'aurez tous compris. Ce que je fais, c'est l'identité visuelle, du logo, du web design et des apps aussi, de temps en temps. Oh, t'oublies de dire que t'es sur YouTube aussi. Et je suis sur YouTube aussi. C'est un canal d'acquisition qui est plutôt pas mal hein, quand on sait à qui on s'adresse. Alors, quelques questions rapides pour garder le tempo. Écouteur ou silence ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? De quand j'ai envie. On veut une réponse, on veut une réponse. Écouteur de et des fois sans musique, voilà. Et Facebook ou LinkedIn ? Pour le pro LinkedIn. Pour du business, du social selling comme on dit. Et coworking ou bureau perso ? Grosse question chez Zindé. Coworking. Pourquoi ? Parce que le trajet entre le frigo, le canapé et le lit, il est vite vu. Bon, donc, alors raconte-nous, comment tu trouves tes clients alors ? Je les trouve, au départ, je les trouve comme tout le monde, en allant réseauter, en les rencontrant. Et puis, au fur et à mesure, je développe une communauté sur Internet, donc surtout sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Je développe du contenu que je leur fournis jusqu'à qu'ils finissent par m'appeler, parce qu'ils se disent, elle sait de quoi elle parle, donc ça peut être cool de bosser ensemble. 13 000 relations sur LinkedIn, 1500 sur Instagram et 2200 sur Facebook, 1100 sur YouTube. Comment on fait pour réunir une communauté ? On bosse. Non, vraiment, on fournit du contenu intéressant et intéressant pour le sujet en tout cas. Tu parlais de YouTube, justement, c'est vraiment un canal d'acquisition fort par rapport aux autres réseaux sociaux ? Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement, c'est vrai que sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, c'est Neograph Factory. Exact. Vous tapez sur YouTube Factory Y à l'américaine et donc du coup, ça te permet d'assurer ta légitimité et ensuite, je dirais peut-être de vendre du service, c'est ça ? Exactement. Le nombre de personnes qui m'appellent en me disant « j'ai vu tes vidéos, donc je t'appelle », je pense qu'ils se lèvent facilement à 90% des appels que j'ai. Ah ouais. Et c'est assez marrant quand tu me racontais que finalement les clients qui te sollicitent ont l'impression déjà de te connaître comme une star un peu, alors que toi tu découvres la personne. Ouais, alors une star je sais pas, mais la plupart des gens qui m'appellent me disent que ils ont l'impression de me connaître déjà et du coup me font déjà confiance, ce qui est pas forcément évident dans le milieu créatif et quand on est en freelance, qu'on est tout seul, qu'on n'a pas d'entité derrière nous. C'est pas évident que les gens nous fassent confiance comme ça. Justement, c'est une question que j'avais. Est-ce que tu bosses en équipe parfois ou le fait d'être freelance, ça t'oblige à travailler tout le temps toute seule? Alors, équipe, ouais. Avec l'équipe, déjà, la personne pour qui je bosse va bosser avec moi. Je déteste dire que je travaille pour quelqu'un parce que c'est pas ça la créa. Ensuite, des fois, il va y avoir le dev ou les devs. Il va y avoir le chef de projet. Donc, ouais, équipe, ouais, pas forcément d'autres graphistes. C'est une autre vision du travail, hein, le freelancing. C'est vrai que c'est un peu défragmenter l'entreprise. On a tous de multiples projets, on arrive à tous se réunir sur, je sais pas, un projet sur lequel on fait appel à de multiples compétences. Bah, du coup, une question aussi pour le bal local, pour Laetitia, comment on arrive à agglomérer ces atomes? Est-ce que ça passe généralement bien ou est-ce qu'il y a de la friction? Ça peut arriver. Ça dépend des caractères. Donc, généralement, ça passe bien, mais ça m'est déjà arrivé que ça matche pas avec quelqu'un. Donc, on fait comme on peut, on finit le projet, Octogone. Et on retravaille plus ensemble. Octogone, oui. Je dirais que c'est des histoires d'équipe et de management, comme on en trouve dans les entreprises. Simplement, la découverte est nouvelle à chaque projet, mais après, c'est les mêmes ressorts que pour fédérer une équipe en entreprise. C'est ça. Mais c'est peut-être justement moins grave quand on est freelance. Si on s'entend pas avec ses collègues, on peut en changer à la mission d'après. On a le luxe de choisir ses boss et ses collègues. Laetitia, quand t'es énervée, t'écoutes quoi comme musique? En ce moment, Oracles, Detached Motion. On s'éclate ce soir. Qu'une opportunité se présentera à vous, vous direz... Oui. Oui ! Oui ! Oui, je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut ? Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout. Tu me prêtes 2-3 dollars ? On se bat, oui ou non ? Tu veux organiser la fête de Lucie ? Oui ! C'est très gentil, K. Ah, merci. Alors, ça, c'était quoi comme film, professeur? C'était Yes Man. Yes Man, exactement. On dit oui à tout. Pourquoi cet extrait, Célia? C'est parce que les freelances doivent dire oui à tout, c'est ça? Non, c'est plutôt dans le sens où les freelances, indépendants et entrepreneurs de leur métier, ont tendance à être à l'écoute des opportunités et savent dire oui quand elles se présentent. Vous êtes toujours à la cantine du Quai des Savoirs en live and direct ou en podcast si vous êtes dans une interstice temporelle et on inaugure le lancement du bal local avec comme invité Laetitia Bouloc, fondatrice de Neograph Factory. C'est moi. Et on parlait freelancing. Gilles, une petite question pour toi. Donc dans ton aventure Overblog et Tits TV, est-ce que tu as déjà eu recours à des talents en freelance indépendants? Oui, bien sûr, et d'ailleurs en design. en design, en UI, en UX, et parce que ce sont des talents qui aiment travailler de manière indépendante. plus que les ingénieurs ou les développeurs. Et donc oui, je l'ai déjà fait, et c'est des belles rencontres. C'est d'ailleurs pour certains devenus des amis. Peut-être recruter aussi ou non, c'est vraiment des lots solitaires, c'est ponctuel. Les designers. C'est très difficile de recruter un freelance. Ah, mais très comment difficile. On l'attire comment, Laetitia, comment on pourrait vous attirer? Il faudrait une piscine à boules, des canapés, une salle de un cinéma. Comment je fais? Moi, j'ai envie de vous embaucher, vous avez du talent. Comment je fais? Alors, il vous faut quoi? En fait, la problématique du designer en freelance, c'est que souvent. Il n'aime pas les gens. Non, ce qu'il fait, c'est. Il l'aime sur le moment et 8 mois après, il l'aime plus. Il est volage. Bosser à terme sur quelque chose, ça finit par saouler, clairement, c'est le mot. Ouais, donc, il faut que le design de base, il plaise assez pour se dire « Ouais, j'ai réellement envie de bosser souvent au quotidien sur ce même design. » Le designer est un plan cul. C'est rare, c'est très rare. Ah, et puis, il faut un gros flow de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ouais, aussi, donc, c'est forcément dans des grandes structures. Mais qui dit grandes structures, disent process. Donc, c'est bien... forcément moins intéressant. C'est ça. Donc, pour ça que les freelance sont... J'ai envie de rebondir sur la blague de Matito, parce que quand même, il faut la noter. Et du coup, j'ai noté une blague que j'ai préparée. Est-ce que tu sais, en moyenne, combien il faut de versions finales pour faire une version finale d'un document chez les designers? Beaucoup trop. En général, 5. Je m'attendais plus à un gros bide, parce que quand vous sortez des blagues... En général, elles sont nulles. Généralement, c'est un bide, mais là, je vois les gens sourire poliment. Ouais, on l'a même pas coupé. Pour revenir sur le caractère volage des freelance quand même, Mathias, on a l'habitude de dire plutôt que ce qu'on aime, c'est butiner parmi les projets et agglomérer encore plus d'expérience parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonctionnements et beaucoup de projets. Donc on circule mais on butine pour capitaliser et agglomérer toute cette expérience et la mettre encore mieux au service de nos futurs clients. Parlons un peu UX. Laetitia, 300 millions, c'est le revenu additionnel généré en un an par Amazon grâce au changement du design d'un seul bouton. Alors dis-nous, pourquoi l'UX est-elle si importante pour le business en ligne? Et quel est ce bouton? Parce que de toute évidence, il y a plus de gens qui l'ont vu ce bouton, donc ils ont cliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est ton rôle, toi, de détecter en fait ces choses-là qui peuvent changer et améliorer le business? Alors j'ai envie de répondre oui et non, dans le sens où il faut quand même distinguer l'UX de l'UI. Voilà, j'allais dire hop, les auditeurs ne sont pas forcément familiers avec ces termes. Alors pour les auditeurs, l'UX c'est l'expérience utilisateur et l'UI c'est l'interface utilisateur. Donc mon job c'est plus de l'UI. Je vais dire que comment ce bouton va être joli, je ne vais pas forcément dire que ce bouton doit être là. Après, par rapport à ma cible, effectivement, c'est des gens qui se lancent, qui n'ont pas forcément de budget pour prendre un UX et un UI designer, donc je me retrouve souvent à faire de l'UX. Laetitia, on tape Neograph Factory pour vous retrouver sur YouTube, c'est ça? Exactement. Un petit message à passer à vos proches, à la maman? Ah ben maman qui doit m'écouter d'ailleurs. Ouais, on vous embrasse maman Laetitia, on vous embrasse. Maman, je t'aime. Gilles, un petit message à passer avant de rendre l'antenne? Oh, j'embrasse maman aussi. Ah oh, mais c'est parfait, bah, tout le monde embrasse maman. C'était Ça marchera jamais en featuring avec le bal local. Une très bonne route à toi, à toute la team. Il y a Théo, il y a Laura, il y a Stéphane. Des gros bisous, ils sont là. Ça va? Parfait. On va vous retrouver sur internet. Oui, tout à fait. Compte Instagram et ballocal.com. Impeccable. Merci professeur. Merci Patito. À la semaine prochaine. Ça marchera jamais. Et le bal local, une émission préparée et animée par Célia et Théo du bal local. Matito est professeur pivot de Ça marchera jamais. Technique, François Berchenko. Réalisation de l'apéro, Jordan Souchet. Partenaire de l'émission, l'Université fédérale, le Catalyseur, l'Association La Mêlée, Digital Campus, le Quai des Savoirs et la meilleure radio du monde, Campus FM Toulouse. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. Bravo.